Léonce Huitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Il n'y a pas une obligation à se faire enrôler pour les élections. L'expert électoral Donatien Niyonsaba explique qu'il n'y a pas non plus de sanctions qui sont prévues par la loi burundaise contre ceux qui ne veulent pas s'enrôler et voter. C'est au moment où l'opposant Aloïse Marichako du parti RANAC déplore que des administratifs paralysent certaines activités, obligeant les gens à se faire enregistrer. Le ministre de l'Énergie et des Mines tranquillise que le problème de manque de carburant sera maîtrisé d'ici peu. Il reconnaît tout de même que l'année en cours a débuté avec une pénurie d'essence. Des explications, vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal également, la DPA Ngozi met en garde les habitants qui ont eu des vaches de race et frisonnes de la part du Prodéfi, mais qui se mettent à les vendre qui ne tardaient pas à les mettre sur le marché. Et puis, c'est le 14 février, journée de la Saint-Valentin. À Bujumbura, la capitale, les uns ont fêté, les autres non. Encore une fois, bonjour et bienvenue à ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Sécurité d'abord pour vous dire qu'une peine d'emprisonnement à perpétuité a été requise contre trois jeunes de la colline Gitanga en commune Buhiga de la province Karusi. Parmi eux, le responsable de la Ligue des jeunes Imbonerakure et 10 ans contre le chef de colline. Ils sont accusés de meurtre d'un ancien militaire. Le réquisitoire a eu lieu dans un procès de flagrance hier mardi. Un emprisonnement de 3 à 7 ans et une amende de 50 000 francs burundais chacun, c'est la condamnation faite par le tribunal de grande instance de Mukaza contre 18 policiers et militaires qui sont détenus en Ngozi. Ils ont été arrêtés un à un dans différents camps militaires et commissariats de police. Ces détenus à majorité sous-officiers sont accusés de rébellion, atteinte à la sécurité par la tentative d'un coup d'État ainsi que la tentative de libération des détenus après avoir éliminé certaines autorités. Politique pour vous dire que les administratifs qui paralysent certaines activités comme la fermeture des écoles ou des marchés pour forcer les gens à aller se faire enrôler devraient être sanctionnés. Propos du président du parti RANAC, Aloïse Balichako. Pour lui, l'inscription doit rester un acte volontaire, d'autant plus qu'il y a encore du temps pour ce travail. Aloïse Balichako déplore plutôt les arrestations des personnes accusées de prêcher pour le non au prochain référendum qui continue. Il appelle néanmoins les membres de ce parti à se faire enrôler. Suivez. D'abord, au niveau du parti Rassemblement National pour le Changement RANAC, nous demandons à tout Burundi, particulièrement aux membres du parti RANAC, de se faire enrôler. Parce que c'est d'ailleurs ce qui est sorti dans la réunion qu'on a tenue avec le représentant profession. Et concernant ce qui se passe actuellement au niveau de certains administratifs qui ferment le marché, qui obligent les gens à se faire enrôler par force, l'enrôlement normalement est volontaire. On ne devrait pas y mettre de la force parce que se faire enrôler, c'est volontaire, c'est un devoir de chaque citoyen, mais ce n'est pas une obligation. Deux, on ne peut pas utiliser la force. Non plus, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a encore quelques jours. Et dans les habitudes des Burundais, les Burundais ont l'habitude de participer les derniers jours. Donc ça veut dire que samedi, le dernier jour, vendredi, on aura beaucoup de gens. Normalement, les administratifs qui font ça, si la CENI avait des possibilités, ils devraient être sanctionnés parce qu'au niveau du code électoral, il y a des sanctions prévues pour des cas du genre. D'ailleurs, vous comprenez, il n'y a pas seulement ces marchés qui sont fermés, ces écoles, il y a des gens qui sont emprisonnés. Par exemple, au RANAC, il y a un autre membre, Ngozi et Kayanza, qui sont emprisonnés. Alors que le RANAC recommande aux gens de se faire arrêter. Dans la réunion que nous avons tenue avec les provinciaux, nous avons recommandé que tout le monde participer aux élections. Donc, il n'y a pas de réseau d'emprisonner ou de fermer les écoles ou les marches. Du côté du parti Frode Bunyakulil, on indique qu'ils n'ont pas reçu en aucun rapport leur signifiant leur forcing dans l'enrôlement au rôle électoral et à l'octroi des cartes nationales d'identité. Le président du parti Frode Bunyakulil indique que si tel était le cas, la Commission électorale nationale indépendante devrait prendre les sanctions, les choses, en main. Kefa Nibizi a été joint au téléphone par Évariste Nzikobanyang. D'une façon générale, au regard du temps déjà franchi sur l'enrôlement et qui a été annoncé hier par le président de la CENI et qui fait que plus de 57% des personnes attendues se sont déjà inscrites et nous estimons que le pas déjà franchi est satisfaisant. Cependant, nous avons entendu que dans certaines communes, il y a un manque de cartes nationales d'identité et nous estimons que les concernés devraient faire tout ce qu'il faut pour que ces cartes soient disponibles en temps réel. Des informations qui proviennent d'ici et là indiquent qu'il y aurait du forcing dans l'octroi et dans l'enrôlement. C'est le même constat du côté du parti Savonien Frode Bunyakulil. Ce que je dirais, c'est que chaque parti politique a le droit et même l'obligation d'inviter ses militants à se faire inscrire, et tandis que l'administration, quant à elle, devrait appeler toute la population en âge requis pour se faire enrôler. Mais cependant, tout ça doit se faire dans le strict respect du principe de choix libre que l'inscription ou le vote se fait selon la volonté de tout citoyen. Donc aucun forcing ne devrait pas y avoir. Parmi les auteurs de ce forcing, les jeunes du parti au pouvoir sont pointés du doigt. Vous en êtes au courant? Nous n'avons pas encore reçu aucun rapport émanant de nos militants se trouvant sur les collines ou dans les communes qui nous montrent qu'il y a les militants, les jeunes de tel ou tel autre parti politique qui s'immiscent dans ces activités. Donc peut-être que nous n'avons pas encore reçu d'informations précises là-dessus. Si de tels cas auraient lieu, nous demanderions plutôt à la CENI quelle obligation de faire respecter les prescrits de la loi du code électoral, de vérifier le cas, de conseiller les concernés et au cas échéant de prendre les mesures appropriées. Il n'y a pas une obligation à se faire enrôler pour les élections parce qu'il n'y a pas non plus de sanctions qui sont prévues par la loi burundaise contre ceux qui ne veulent pas s'enrôler. Maître Donatien Niyonsaba, l'expert électoral, indique que dans certains pays où le vote est obligatoire, des sanctions sont prévues contre ceux qui empêcheraient les autres à aller voter. Et si on doit obliger les gens à se faire recenser au Burundi, dit-il, il faut que la mesure soit accompagnée d'une loi. Suivez Maître Donatien Niyonsaba. Le code électoral, dans toutes ses dispositions, n'apparaît nulle part où il y a une obligation d'être inscrit sur le roll électoral. Parce que pour qu'il y ait obligation, il faut qu'il y ait une sanction qui soit prévue par la loi. Pour quelqu'un qui ne se ferait pas inscrire, serait sanctionné par une loi. Or, il n'y a pas de sanction en la matière. S'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'obligation. C'est comme ça la loi. Ici, j'aimerais quand même peut-être apporter une petite lumière, un petit éclaircissement sur certains aspects. Il y a l'inscription et le vote. Il y a certains pays tels que l'Australie, la Belgique, la France, la Suisse, le Brésil, où le vote est obligatoire. Dans ces pays, il est prévu des sanctions pour les gens qui empêcheraient aux autres d'aller voter. Parce que chez eux, l'inscription au rôle électoral est automatique. Parce que l'inscription au rôle est liée avec l'état civil. Dès la naissance, la personne est inscrite. Alors, à son âge de voter, il sera automatiquement inscrit sur le rôle électoral. Chez eux, l'inscription au rôle n'a pas la valeur comme ici. Donc, l'inscription chez eux, elle est administrative, automatiquement. Par contre, les gens qui empêcheraient les autres d'aller voter, par exemple, les employeurs, pour tel motif ou tel autre, seraient sanctionnés. Il y a des sanctions prévues par ça. Ici, au Burundi, si on doit réellement obliger les gens de se faire recenser, il faut qu'il y ait une loi en ce sens. Que la CENI, ou bien l'administration, ou bien le législatif, aille dans ce sens. Dans le cas contraire, on ne peut pas obliger quelqu'un quand il n'y a pas une sanction. Le ministère de l'Énergie et des Mines reconnaît que l'année 2018 a débuté avec une pénurie de carburant produit essence. Lors de la présentation mardi des réalisations par le ministère pour l'année 2017, le ministre Kom Manilakiza a expliqué cette situation par le changement du système de dédouanement en Tanzanie. Il tranquillise toutefois que la situation sera maîtrisée d'ici peu. Suivez-le des propos recueillis par Placide Niyomungere. Pour le carburant, il se remarque effectivement ces derniers temps, pénurie spécialement des produits essence par rapport au gasoil. Et ceci est du fait qu'avec l'année 2018, la Tanzanie a changé son système de dédouanement et cela a fait qu'il y ait beaucoup de procédures pour que le camion puisse charger à partir d'Dar es Salaam. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lamentations de la part de ces sociétés qui importent les produits pétroliers à partir de Dar es Salaam. Pourquoi ? Parce que les camions passent 5 jours, voire une semaine avant de charger. Et cela affecte évidemment le système d'approvisionnement dans nos parcs pétroliers. Au niveau du pays, comme on est au courant de cette situation, on doit prendre aussi des mesures conséquentes pour que la gestion puisse être beaucoup plus efficace en attendant que ce système puisse normalement être habitué par et la partie burundaise et la partie tanzanienne pour faciliter la fluidité, je dirais, au niveau des approvisionnements. Nous sommes en pourparlers par intermédiaire de l'Office burundais des recettes pour que cette situation puisse trouver une solution dans les plus brefs délais. Et nous espérons très bien que d'ici peu de temps, la situation sera maîtrisée. Le ministère de l'Énergie et des Mines confirme que le Burundi est déjà membre de l'initiative de transparence dans les industries extractives, ITIE en sigle, depuis 2015. Le ministre Manila Kiza, lors de la présentation des réalisations au cours de l'année 2017, a mentionné que la production minière a été de plus de 720 000 kg, alors que celle de l'or est de plus de 1900 kg. La DPA Ngozi met en garde les habitants qui ont eu des vaches de race frisonne de la part du Prodefi et qui se mettent à les vendre illégalement. Elle pourra saisir la justice en cas de besoin. C'est après avoir constaté que de tels cas sont devenus monnaie courante ces jours-ci où la seule commune de Gachikanoa a enregistré 5 cas la semaine dernière. Les précisions d'Apollinaire Muzagara de Ngozi. Mercredi passé, le jour du marché de bétail de Djégua en province Ngozi, 5 frisons issus de la commune Gachikanoa ont été illicitement vendus. 5 communes sur les 9 contrées des provinces, à savoir Gachikanoa, Rororo, Ngozi, Musiga et Mumba, prennent le devant. Plus de 20 frisons ont déjà été vendus dans ces communes sans autorisation des autorités habilitées, déplore Yves Nchimilimana, médecin vétérinaire provincial, en vue de tromper l'opinion. Des boucles d'identification se trouvant sur les oreilles sont enlevées avant d'acheminer ces vaches laitières données par le Prodefi aux marches. Des mesures ont été prises pour dissuader de tels bénéficiaires. Il s'agit, selon son médecin vétérinaire, de les traduire en justice pour être condamnés conformément à la loi. Les 3 bénéficiaires qui ont vendu ces vaches de la chaîne de solidarité sont pour le moment emprisonnés en Gaule. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire. Certains habitants de la capitale Bujumbura ont fêté la Saint-Valentin ce mercredi 14 février. Ils disent avoir acheté des fleurs et cadeaux divers, soulignant que c'est le jour spécial pour les conjoints et les amoureux. La Saint-Valentin, habituellement célébrée le 14 février de chaque année, a coïncidé aujourd'hui avec le mercredi des cendres pour les chrétiens catholiques. Le point avec Ornella Mucho. Dans différents endroits où l'on vend des fleurs, tout près de la chaussée Prince Louis Gwagasore, à côté de l'Athénée primaire, on constate des artisans qui confectionnent des fleurs pour la Saint-Valentin et des gens qui achètent des fleurs pour leurs amoureux. L'un des acheteurs indique que le 14 février, c'est le jour pas ordinaire pour ceux qui s'aiment. C'est pas un jour non ordinaire, c'est un jour de fête, c'est un jour, c'est la Saint-Valentin, par conséquent, c'est la journée des amoureux. Et je suis venu acheter des fleurs pour ma femme. Et je suis certain qu'elle a préparé aussi quelque chose pour moi. Donc c'est un jour extraordinaire pour nous. C'est le seul jour de l'an où les amoureux vraiment se sentent très proches les uns des autres. Cette femme qu'on a rencontrée à l'endroit communément appelé T2000 indique qu'elle ne va pas célébrer la Saint-Valentin comme il se doit puisqu'elle a coïncidé avec le mercredi des cendres pour les catholiques. Le fait que c'est volontaire, il y a une coïncidence avec fête des cendres. Pour moi, je vais essayer de gérer mon temps en fêtant c'est volontaire en même temps que la fête des cendres. Les fleuristes indiquent que l'affluence des clients aujourd'hui est différente de celle de l'année dernière. Ils précisent qu'ils reçoivent des clients un à un, mais ils espéraient toutefois qu'après les heures de service, les clients peuvent augmenter. Merci Ornella. L'abbé Amon Kana explique que la Saint-Valentin est une fête de ceux qui s'aiment d'un vrai amour où chacun est préoccupé par le bien de l'autre. Pour lui, la coïncidence de cette journée avec le mercredi des cendres est un appel pour les jeunes à se convertir à l'amour. Suivez. Saint-Valentin est un prêtre qui a été décapité par l'empereur Claude au IIIe siècle. Parce que l'empereur Claude avait supprimé l'institution du mariage afin de pouvoir mobiliser les jeunes gens pour la guerre. Saint-Valentin n'était pas d'accord avec cela parce que l'institution du mariage est divine, cette personne ne peut la supprimer. Et en plus, c'est quelque chose qui est lié au droit et à la dignité de la personne. Il a ainsi accueilli les jeunes gens, les jeunes filles, il les préparait au mariage et il les mariait. Ce que l'empereur Claude l'a fait décapiter et l'Église l'a proclamé patron de ceux qui s'aiment d'un amour vrai qui aboutit au mariage. Et voilà l'esprit qui doit habiter tous ceux qui fêtent la Saint-Valentin. Ils doivent fêter quelqu'un qui a donné sa vie pour que les gens puissent s'aimer d'un amour vrai qui aboutit normalement au sacrement de mariage. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui fêtent Saint-Valentin dans un comportement de dignité. Il y a d'autres jeunes qui déraillent, qui veulent fêter la Saint-Valentin dans une vie frivole, de débauche, de mœurs dissolues. Et cela ne fête pas Saint-Valentin, ça c'est pas une fête d'encens, c'est une fête des démons. La coïncidence providentielle de la Saint-Valentin avec la fête des cendres, c'est un signe que Dieu nous donne. Le carême est un temps où nous devons vivre plus davantage que les autres moments. C'est donc une fête de l'amour, vraiment, mais un amour qui se sacrifie pour l'autre. D'où le jeûne pour à manger à d'autres est une véritable manière de vivre et de fêter la Saint-Valentin. Certains commerçants du marché de Kinama disaient que l'attribution des places a été faite d'une manière injuste. Les uns n'ont pas retrouvé leurs anciennes places et les autres en ont manqué complètement. Ils demandent la suspension de l'inauguration du marché en vue de régler d'abord les lacunes qui ont été observées. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.